Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager avec vous une petite exhortation parce que, comme vous pouvez le constater, tous les enfants de Dieu en ce moment, tous les enfants de Dieu, quels que soient les pays, quelles que soient les régions, sont en train de traverser des moments difficiles. Beaucoup subissent des épreuves, des injustices, beaucoup sont malades, d'autres n'arrivent même pas à avoir un boulot. C'est dur. Ils prient parfois, ils ne voient pas le résultat de leur prière. Mes frères, vous savez, nous ne sommes pas les seuls à avoir connu cela. L'apôtre Paul aussi et d'autres bien-aimés ont été confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes épreuves. Mais pourquoi ces épreuves? C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Apocalypse, au chapitre 12, qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Satan a perdu cette guerre, lui et ses démons. Ils ont été précipités sur la terre là, là où on est, d'accord? Et il a été clairement dit dans Apocalypse 12 qu'il est venu sur terre en colère pour venir faire la guerre à toute personne qui a reçu Jésus et à toute personne qui garde les commandements de Dieu. C'est pourquoi on t'attaque. C'est pourquoi les sorciers sont mobilisés contre toi. C'est pourquoi tu as l'impression qu'on te met les bâtons dans les roues. C'est pourquoi, même si tu déposes un dossier, c'est comme si tu n'avais pas d'expérience. C'est pas facile. C'est la galère. Mais l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, il dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs bien-aimés. Moi, j'imite Christ. Soyez comme moi. Suivez mon exemple. » Mais Paul le dit pourquoi? Parce qu'il sait que les enfants de Dieu sont attaqués. Et comme exhortation, il nous dit dans Romains chapitre 8, au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bien-aimé, tu es dans les souffrances. Paul te dit, les souffrances, ce que tu endures là, n'est rien par rapport à la gloire à venir qui t'attend. Il faut que tu saches que Jésus a lavé son épouse par son sang, l'a purifiée, et cette épouse est invité aux noces de l'agneau. Mon bien-aimé, j'espère qu'on va se retrouver de l'autre côté au festin de noces de l'agneau. J'espère que nous allons tenir ferme contre les attaques. J'espère qu'on ne sera pas de ceux qui vont abandonner, les lâches, les incrédules. J'espère qu'on arrivera de l'autre côté. Paul nous exhorte, il dit les souffrances du temps présent. Paul ne nie pas les souffrances. Paul sait qu'il y a des souffrances. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à pas mal de souffrances. Mais Paul dit, c'est rien par rapport à la gloire à venir qui vous attend. C'est pourquoi des garçons comme Job, qui était riche, l'ennemi l'a attaqué. Les richesses sont parties. Sa femme l'a abandonné. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Il lui a infligé des maladies incurables. Ce pauvre homme a souffert. Mais il n'a pas blasphémé contre Dieu. Et Job, qu'est-ce qu'il dit? Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je partirai. Quand ma mère m'a accouché, je n'avais pas de l'argent avec moi, je n'avais pas de costume, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de maison. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je partirai aussi. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Philippiens au chapitre 3, Paul parle à peu près comme Job. Ce sont seulement les mots qui sont différents, mais c'est la même chose. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. c'est pas fini, de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul dit, ces choses qui avaient de la valeur pour moi, les choses de la vie, les maisons, la richesse, la gloire, ces choses qui avaient pour moi, qui étaient importantes, de la valeur, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mon bien-aimé, là où est ton cœur sera ton trésor, et là où est ton trésor sera ton cœur. Frère, Job dit, je suis sorti du ventre de ma mère nu. Je partirai nu quand je serai dans le cercueil. Je ne serai pas avec ma femme. Je ne serai pas avec mes maisons. Je ne serai pas avec ma voiture. Dans le cercueil, je ne serai pas avec mon compte bancaire. Dans le cercueil, je ne serai pas avec mon entreprise. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je partirai. Je n'amènerai rien. C'est pourquoi il est resté ferme. Et l'apôtre Paul dit, c'était un jeune homme Paul. Et l'apôtre Paul dit, ces choses avaient de la valeur pour moi, mais par rapport à la gloire à venir qui m'attend au royaume de Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner Jésus pour les choses de ce monde. Et c'est pourquoi Paul dit, ces choses-là, ils avaient de la valeur quand je ne connaissais pas Jésus. Mais maintenant que je suis en Jésus, je vois tout ça aujourd'hui comme de la boue. Mon frère, là où est ton trésor sera ton cœur. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un aime son mari, sa femme, ses enfants, sa propre vie, plus que moi, il ne peut pas me suivre. Frère, depuis que je suis en Christ, j'ai le souvenir d'une sœur en Christ. Je ne peux pas l'oublier. Parce que franchement, c'est pourquoi je sais que dans la maison de Dieu, il y a des fils et des filles de Dieu. Des personnes déterminées. Des personnes qui ne peuvent pas renier Dieu. Même devant une arme, on peut lui pointer un fusil. Il ne recule pas. Il y en a dans l'église. Cette femme au Gabon, elle venait de se convertir. Elle m'a vu. Elle a vu d'autres bien-aimés. Elle a dit, frère, j'aimerais qu'il y ait une église de maison chez moi tous les lundis. Ok, on était d'accord. On allait chez elle tous les lundis soirs à partir de 19h jusqu'à 20h30. Une église de maison. Mais son mari était dans les loges. Son mari était un grand type. Ils étaient bien logés dans une barrière. Elle avait l'argent. Le mari avait l'argent. Mais elle aimait Jésus. Mais le mari qui était dans les loges, vous savez, ceux qui sont dans les loges n'aiment pas Jésus. Parce que la puissance de Dieu dérange leur fétiche. Un lundi, alors qu'on venait de terminer la prière, le mari garde la voiture. Il est rentré et ce jour-là, il nous a trouvés chez lui, assis dans son salon. Quand ce monsieur est rentré, il n'a même pas dit bonjour. Tout de suite, il a commencé. Vous faites quoi chez moi? Vous n'avez pas de maison? Vous ne pouvez pas faire ces églises-là chez vous? C'est chez moi que vous venez faire ça? Vous n'avez pas de maison? Sa femme était à la cuisine, en train de nous faire rapidement un petit truc à manger. Lorsqu'elle a entendu ça, elle est venue au salon, devant nous tous, parce que le monsieur venait de dire, je ne veux plus vous voir ici. Vous avez des maisons, faites vos trucs là chez vous. Sa femme, devant nous tous, sa femme lui a montré le doigt, lui a dit, chérie, quand j'ai décidé de t'épouser, tu as vu l'hostilité, comment tous mes frères, comment mon père et ma mère, personne ne t'a accepté dans la famille. Personne. Mais je n'ai pas écouté mes parents et j'ai accepté de t'épouser. Je peux obéir à ma famille. Mais si tu veux toucher ma relation avec Jésus, chérie, je divorce. Je divorce. Devant nous tous. Son mari a fermé la bouche. Il a dit, mes parents, je ne les ai pas écoutés pour t'épouser. Mais si toi tu veux toucher ma relation avec Jésus, c'est mort. Je n'accepte pas ça. Je préfère qu'on se sépare. Bien-aimé, il y a combien de filles comme ça dans la maison de Dieu? Je vous signale que son mari était un grand type. Il avait le pognon. Elle n'a pas dit, oh si j'abandonne ce temps, je vais perdre tous ces privilèges. Elle aime Jésus. Mais il y en a combien comme ça dans l'église? Job a dit, nul, je suis sorti du ventre de ma mère. Job était riche. Le diable a détruit les richesses. Sa femme est partie. Le diable ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à le charger maladie sur maladie, maladie sur maladie. Le pauvre. Mais Job a dit, c'est pas grave. Si je dois mourir, de toutes les façons, quand ma mère m'a accouché, j'avais rien. Et quand on me mettra dans le cercueil, je n'amènerai rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Mon frère, tu vas abandonner le Seigneur, pourquoi? Parce que ta femme a divorcé. Parce que, ma soeur, ton mari découche. Pour ça, tu vas abandonner le Seigneur. Ton entreprise là, quand le diable va le faire couler, tu vas tenir. Je comprends pourquoi je me suis posé une question. Pourquoi Jésus dit, ne crains rien, petit troupeau, car le Père vous a jugé digne de vous donner le royaume. Jésus parle du petit troupeau. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur utilise le mot petit troupeau alors qu'il y a des milliers et des milliers de personnes dans les églises dimanche? Le troupeau ne devrait pas être petit. Le troupeau doit être grand. On est nombreux dans les églises. Mais pourquoi il parle de petit troupeau? Parce que beaucoup vont lâcher. Beaucoup vont abandonner. C'est pourquoi Jésus nous a avertis. Si tu aimes ta femme plus que moi, mon cher ami, ça ne peut pas aller. Ma soeur, si tu aimes ton mari plus que moi, ça ne peut pas. Tu ne peux pas aller loin avec moi. Si tu aimes tes enfants, si c'est ton travail que tu aimes plus par rapport à moi, tu ne feras pas long feu. Il nous a avertis. Si tu aimes tes parents plus que lui, si tu aimes ton compte bancaire plus que lui, si tu aimes ton boulot plus que lui, parce que c'est là que le diable va toucher. Le diable va toucher là où est ton cœur. Si ton cœur est sur le travail, c'est là qu'il va toucher. Si ton cœur est sur ton mari, c'est là qu'il va toucher. C'est là. Il va toucher là où ça te fait mal pour que tu abandonnes le Seigneur. Mais il faut que tu arrives au niveau de Paul. Ces choses qui avaient de la valeur pour moi, je les regarde comme de la boue. Ok, je perds le boulot, c'est pas grave. J'ai Jésus. J'ai perdu un mari, c'est pas grave. J'ai Jésus. Frère, je vous fais un témoignage d'une sœur qui aimait le Seigneur. D'accord? Le mari a dit, écoutez, moi je sais qu'on était catholique. Vos histoires de secte là, moi je ne veux pas que ça rentre chez moi. Alors à partir d'aujourd'hui, je m'en vais voir tes parents. On est catholique. Vos histoires de secte là, je ne veux pas. Mais la sœur a tenu. La sœur a tenu. Le monsieur allait menacer la famille. Hey, vous savez que je vous ai donné 5 millions à la dot. Si votre fille ne veut pas m'écouter, vous me remboursez mon argent. Et la famille était pauvre. Et la soeur venait à l'église. Toute la famille, le père, la mère, tous les oncles. Oh mon Dieu, Dieu est partout. Hein? Ton mari ne refuse pas que tu pries, mais il veut que tu restes dans l'église catholique. La soeur a dit, c'est là que Jésus m'a touché dans le réveil. C'est là où Jésus m'a guéri. J'ai la paix, la joie, ce que je n'avais pas eu avant quand j'étais dans l'église catholique. Elle a tenu ferme et Dieu l'a restaurée. Bien-aimé, Jacques nous exhorte. Voici ce que Jacques nous dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques, à son tour, nous exhorte. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Parce que Satan est venu sur terre animé d'une grande colère, Apocalypse 12, pour venir livrer la guerre aux personnes qui sont en Jésus et aux personnes qui appliquent les commandements de Dieu dans leur vie. C'est bien écrit. Quiconque est en Christ, le diable te déteste et c'est lui qui te met les bâtons dans les roues, dans tout ce que tu veux faire. C'est lui qui pousse les sorciers à t'attaquer. C'est lui qui pousse ton chef de service à te détester sans raison. C'est lui qui te fait la guerre. Tes frères et toi, ça ne passe pas. C'est lui qui vient diviser la communion fraternelle. C'est lui. Ton mari et toi à la maison, c'est tout le temps la tension. C'est Satan qui est à l'œuvre. Il est venu pour diviser. Il est venu pour égorger. Il est venu pour détruire. Et il est venu pour mentir. Parce que qu'est-ce qu'il dit aux personnes? Ok, on signe un pacte dans une loge, d'accord? Moi, je te donne les richesses, ok? Tu vas exploiter les richesses pendant 10 ans, d'accord? Et la 11e année, je te prends. Et comme l'homme aime l'argent et les richesses, l'homme signe le pacte. Mais le diable, c'est le père du mensonge. C'est Jésus qui nous le dit. Il te dit, tu vas être dans l'abondance pendant 20 ans. Après, je te prendrai. Mais il va te prendre au bout de 8, 12, 15 ans. Parce qu'il est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Il te dit, donne-moi ton âme. D'accord? Jusqu'à 70 ans, tu seras dans la richesse. C'est le père du mensonge. Il va peut-être te prendre à 30 ans. Il te prendra à 40 ans. Il n'y a pas de vérité en lui. Mais Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Mon frère, ma soeur, quelle est l'épreuve que tu traverses en ce moment? Peut-être tu es éprouvé au niveau de ton corps. Peut-être tu es éprouvé parce que ton enfant est malade. Peut-être tu es éprouvé parce que ton entreprise vient de fermer, tu es au chômage. Peut-être tu es éprouvé par des divisions dans la famille. Peut-être tu es éprouvé parce que le diable a monté ton chef de service contre toi. Peut-être tu es éprouvé parce que dans ta relation avec ton mari, c'est la guerre. Bien-aimé, il faut tenir ferme. Il faut tenir très, très, très ferme. Parce que le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Les noces de l'agneau. Tu es invité aux noces de l'agneau. Tu es invité, bien-aimé. Ton nom est aujourd'hui dans le livre de vie. Ton nom, le diable le sait. C'est lui qui te livre la guerre. Mais Jésus ne nous a pas laissés comme ça pour qu'on nous marche dessus. Il nous a donné les armes dans Éphésiens chapitre 6. Va lire Éphésiens chapitre 6. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Oui, tu seras attaqué. Oui, le diable peut provoquer le divorce dans ton couple. Oui, le diable peut faire partir ton mari. Je vais vous faire rapidement le témoignage d'une femme. Elle aimait beaucoup le Seigneur. Lorsque son mari a été envoyé en France pour se perfectionner dans l'électronique pour une durée de 2 ans, quand le mari revient au Gabon, monsieur ne dormait plus à la maison. Il venait se changer, il allait dehors, il dormait chez ses copines. La femme était chrétienne, le mari ne l'était pas. Et le diable a commencé à jouer avec son mari. Il dormait de gauche à droite. Et la sœur, à la sortie de l'église, elle faisait des petits bouts de papier avec des sujets de prière. C'est-à-dire, quand on sortait de l'église dimanche, elle distribuait des bouts de papier. Lorsqu'elle m'a donné le bout de papier, je l'ai ouvert, c'était marqué, « Frère, mon mari ne dort plus à la maison, je vous en supplie, soutenez-moi dans la prière. » Quand le diable a vu ça, le diable a même pris son mari, le mari a pratiquement quitté la maison, il dormait maintenant chez une copine. Quand la sœur a vu qu'elle a prié, l'homme est toujours chez la copine, elle a dit, « Seigneur, bon, l'affaire de Jésus là, je laisse tomber parce que mon mari est parti, donc cette histoire de Jésus, moi je laisse tomber. » Elle ne venait plus à l'église. On pouvait l'exhorter lorsqu'on la croisait au marché, ça rentre là, ça sort là. Elle en voulait à Jésus parce que son mari est parti, son mari dort chez une autre femme. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu aimes ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents plus que moi, tu ne peux pas me suivre. Parce que c'est là que le diable va toucher. Le diable savait que cette femme aime Jésus, mais Satan aussi savait qu'elle aimait beaucoup son mari. Le diable a dit, ok, je vais voir avec ton Jésus là. Jusqu'à combien de temps tu vas tenir? Il a touché l'homme et basta. La femme a laissé, la femme a décroché. Ce n'était plus Jésus, plus de prière, plus d'église. À cause d'un homme. Mon frère, ma soeur, c'est à cause des choses de la terre que tu vas perdre ton salut. Mon frère, ma soeur, tu vas aller en enfer pour les choses de cette vie. Nu, tu es sorti du ventre de ta mère. Nu, tu partiras. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout. Job a souffert jusqu'à dans son corps. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur. L'apôtre Paul, lisez 2 Corinthiens chapitre 11. Paul a souffert des attaques des faux frères. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 24. Le diable a même utilisé des faux frères pour le tuer. Paul, plusieurs fois, Satan a envoyé des gens pour le supprimer. On a tout fait chercher à l'empoisonner par la nourriture. On l'a tapé plusieurs fois pour qu'il abandonne Jésus. Le diable a envoyé des maladies. Le diable a tout fait. Et Paul, il dit, pour moi c'est de la boue. Il faut que je reste avec mon Jésus. Oh bien-aimé, est-ce que j'arriverai au bout? Oh mon bien-aimé, est-ce que tu arriveras au bout? Le diable va t'arrêter par quoi? Examine-toi toi-même. Jésus a dit, là où est ton trésor sera ton cœur. Ton trésor c'est Jésus, ou ton trésor c'est ton mari, c'est ta femme. Ton trésor c'est ton entreprise, ton trésor c'est ton compte bancaire. Parce que c'est là que l'ennemi va toucher, pour te faire décrocher. Et l'apôtre Paul dit, les souffrances du temps présent, comparées à la gloire à venir qui t'attend, c'est zéro. Ce qui t'attend, c'est zéro. Ce qui t'attend est énorme. La bénédiction par rapport aux souffrances d'aujourd'hui. Bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. Bien-aimé, tu souffres. Oui, oui, tu souffres dans ta famille. Oui, tu souffres dans ton corps. Invoque le Seigneur. Jésus viendra à ton secours. Il ne nous a pas laissés orphelins. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, si tu veux des signes, n'est-ce pas, des actes de Jésus dans ta propre vie, il faut tisser avec lui une relation, n'est-ce pas, une relation vraiment très serrée. Je ne sais pas quel mot utiliser. Il faut vraiment parler avec lui. Ne commets pas l'erreur que lorsque tu as un besoin, lorsque tu es attaqué, de courir vers l'homme de Dieu. Jésus ne doit pas être en deuxième position. Va d'abord vers lui avant d'aller voir l'homme de Dieu. Va d'abord vers Jésus parce que c'est Jésus qui va utiliser l'homme de Dieu. C'est Jésus qui va l'inspirer pour qu'il connaisse quelle prière faire par rapport à ton cas. La prière sera inspirée du Saint-Esprit. Prends l'habitude d'aller toujours vers lui. Prends l'habitude, pas vers l'homme. Parce que l'homme ne peut rien pour toi. Mais c'est Jésus qui peut tout pour toi. Donc, aie l'habitude d'aller vers lui et non vers les hommes. Oui, tu peux venir voir un frère. Frère, on va prier. Mais vois en premier Jésus à genoux dans ta chambre. Parce que c'est lui ton sauveur. Après, tu pourras aller voir un homme. Frère, c'est ce que j'avais à te dire. Que les souffrances du temps présent, supporte bien aimé. N'abandonne pas, frère. N'abandonne pas, ma soeur. N'abandonne pas. Parce que la gloire à venir, la gloire à venir, tu vas danser. Tu vas danser, tu vas chanter. Il y a la gloire qui t'attend. Dieu te réserve la gloire en Jésus-Christ. Pour l'éternité. Pas pour un temps, mais pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que j'ai parlé. Amen.